Chapitre 22. Effet de la joie sur le père Thomas. Pendant que Gaspard réfléchissait, M. Ferréor s'applaudissait de la détermination de son fils. 5 millions récompensent grandement son acte de dévouement, pensait-il. Il doit être bien heureux maintenant qu'il sait, à 1 million près, quelle est ma fortune. Ce bon garçon, je l'aime de tout mon cœur, et comme il m'est attaché. C'est la première fois de ma vie que je me vois aimé, mais réellement aimé, sans aucun calcul, avec un entier dévouement. C'est la seule chose qui me manquait. Je l'ai. Je suis content. Je voudrais que ce mariage fût déjà fait. Ce gredin de Frolichen ne pourra plus me faire de tort quand sa fille sera ma belle-fille. Pauvre Gaspard. Le surlendemain de la lettre, M. Frolichen arriva chez M. Ferréor qui déjeunait avec Gaspard. Ce dernier se leva, le fit entrer et referma soigneusement la porte. M. Frolichen. Mon cher ami, Gaspard, avec froideur. « Voici mon père, monsieur. C'est chez lui que vous vous trouvez. » M. Frolichen. « Mon gère, monsieur. Chef fien. » M. Ferréor. « Nous savons pourquoi vous venez ici. C'est une affaire à terminer vite. Mon fils épouse votre fille pour éviter la concurrence que vous pourriez faire à notre découverte. Les conditions seront, pour vous, une dot de 5 millions au moins. » M. Frolichen. « 5 millions. C'est tant que bien frais. Je ne pouvais croire à une si grande bonheur. Et ma fille ?» Monsieur Ferréor, taisez-vous et laissez-moi finir. Votre fille sera logée chez moi. Vous vous engagerez, par le contrat de mariage, à ne nous faire aucune concurrence dans notre industrie, à ne rien établir ni entreprendre sans notre consentement, à ne faire aucun usage du vol que vous nous avez fait pour les toiles, cuivre et zinc, et à nous livrer le secret du perfectionnement que vous avez trouvé pour la fabrication des toiles, cuivre et zinc. Monsieur Frolichen, oh mein Gott, cher monsieur. Monsieur Ferréor, je vous prie de ne pas m'appeler cher monsieur. Je ne vous suis pas cher, pas plus que vous ne m'êtes cher. Vous nous vendez votre fille pour être associé à ma maison, à mes affaires et pour assurer votre fortune. Gaspard paye la vente de sa personne. Quand la marchandise sera encaissée, nous n'aurons de relation que celle des affaires industrielles. Je me charge du contrat. Quand pourrons-nous signer? Monsieur Frolichen, dans 15 jours, si monsieur votre fils fait bien. Gaspard, moi ça m'est égal. Le plus tôt possible sera le mieux. Monsieur Frolichen, voulez-vous venir voir Mina? Gaspard, c'est inutile. Je la verrai le jour du mariage. Monsieur Frolichen, mais c'est impossible. Il faut bien que vous fassiez connaissance et que vous veniez voir votre futur. Gaspard, je n'ai pas le temps. Nos affaires nous occupent constamment. Monsieur Frolichen, mais que dira la famille? Gaspard, elle dira ce qu'elle voudra. Cela ne me regarde pas. Monsieur Frolichen, une voix, une seule, mon bon monsieur, seulement pour le bon effet. Gaspard, quand le contrat sera prêt à signer, monsieur. Monsieur Frolichen, vous ferez comme Mina et Choly, tout m'emborderait. Monsieur Ferréor, Gaspard, reconduit monsieur, notre conférence est terminée. Gaspard ouvrit la porte et la referma dès que monsieur Frolichen fut sorti. Gaspard, riant, mon père, avez-vous entendu? Sa Mina lui ressemble. Monsieur Ferréor, souriant. « Que veux-tu, mon ami? La chance est contre nous. Nous la laisserons dans son coin sans la regarder, comme tu disais. Et à présent, mon fils, il faut t'occuper de la loger. Tu feras venir de suite mon tapissier de Paris et tu lui feras arranger et meubler richement l'appartement dans l'aile opposée au mien. » Gaspard. « Oui, mon père, mais accordez-moi une dernière faveur. » Monsieur Ferréor. « Tout ce que tu voudras, mon cher enfant, demande. » Gaspard. « Mon père, laissez-moi la chambre que j'occupe près de vous. » Je continuerai ainsi à être à votre portée le jour comme la nuit. Si vous êtes souffrant, je vous soignerai. Et enfin, nous continuerons notre bonne vie en tête à tête. Monsieur Ferréor, mon cher enfant, je te remercie et je t'accorde avec joie ta demande. Je n'aurais jamais voulu te retenir loin de ta femme, mais puisque tu le veux. Gaspard, je vais écrire au tapissier, mon père. Monsieur Ferréor, et quand tu auras fini, il serait bon d'aller demander le consentement de ton père et de ta mère, indispensable pour te marier. Gaspard, c'est vrai, rien ne se peut faire sans eux. Monsieur Ferréor, pendant que je serai aux usines et que j'arrangerai le contrat avec le notaire que nous emmènerons, tu iras chez ton père. Tu viendras me rejoindre quand tu voudras, je repartirai vers 5 heures. Gaspard, oui, mon père, et faut-il que j'aille prévenir le notaire? Monsieur Ferréor, oui, mon ami, et dis qu'on attelle dans 1 heure. 2 heures après, Gaspard était chez son père. Il le trouva indisposé et n'ayant pu sortir. Thomas, comment encore toi? Mais tu es donc rendu à la liberté depuis que tu es chez M. Ferréor, fils ? Gaspard. Non, mon père, je suis aussi tenu que jamais, mais j'ai une requête à vous adresser. Je viens vous demander votre consentement à mon mariage. Thomas, surpris. Ton mariage ? Mais il n'en était pas question l'autre jour. Et avec qui ? Gaspard rougit. Avec Mademoiselle Frolichen. Thomas. Pas possible. La fille de ce grand Allemand que tu as mis à la porte dernièrement ? Gaspard. Tout juste. Sa fille, Mademoiselle Mina. Thomas. Quel âge a-t-elle ? Gaspard. Je n'en sais rien. Thomas. Quelle fortune a-t-elle ? Gaspard. Je n'en sais rien. Thomas. C'est drôle, ça. Est-elle jolie ? Gaspard. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vue. Thomas. Mais ce n'est pas possible. Comment ? Tu épouses une femme que tu n'as jamais vue ? Gaspard. Oui, mon père, c'est un mariage d'affaires, c'est pour l'avantage des usines. Thomas. Et si cette femme est laide, sotte et mauvaise ? Gaspard. Il faudra bien que je la garde tout de même. Thomas. Malheureux. Mais tu mèneras une vie de chien, une vie de galérien. Gaspard. Non, mon père. Je vivrai pour M. Ferréor et pour ses usines. Gaspard. Et si tes enfants tiennent de ton affreuse femme ? Gaspard. J'espère ne pas en avoir. Et si j'en ai qui ressemblent à ma femme, je ne les regarderai pas. Thomas. Et que te donne ton nouveau père pour conclure le marché ? Gaspard. 5 millions tout de suite et autant après lui. 5 millions ? Répéta 3 fois le père Thomas et il se tut. La mère. Miséricorde. Que vas-tu faire de tout ça ? Et puisque tu es si riche, donne-moi 1 pièce de 10 francs pour la pauvre femme Mathurin, la mère d'Henri. Elle a été malade. Son fils est à la ferme de Milan. Elle doit son loyer et on menace de la mettre dehors. Gaspard retira de sa poche 2 pièces de 20 francs. Gaspard. Voilà, ma mère. Et ne vous gênez pas pour me demander de l'argent pour les pauvres. Je vous donnerai toujours ce que vous voudrez. La mère. Merci, mon enfant. C'est un bon sentiment que tu as là. Et je suis sûre que la charité te vaudra la bénédiction du bon Dieu pour ton mariage. Gaspard soupira pour toute réponse. La mère. Et à quand la noce, mon ami ? Gaspard. Le plus tôt possible, ma mère. Dans 1 quinzaine. Il faut que vous y veniez, ma mère, et mon père, et Lucas. Gaspard se retourna vers son père en disant ces mots. Il ne put s'empêcher de pousser un cri. Le père Thomas était tombé la tête renversée sur son fauteuil. Les yeux retournés, le visage violet. Les mains crispées. La mère répéta le cri de Gaspard et se précipita vers son mari, lui enleva sa cravate et demanda de l'eau fraîche. Gaspard en apportait. Ils mouillèrent le front, la nuque, les tempes du père Thomas, mais il ne revenait pas. « Lucas, Lucas, qu'on aille chercher Lucas !» cria la mère. « Gaspard, je cours l'avertir, ma mère, où est-il » « La mère, il laboure le champ des 10 hectares. » Gaspard y alla de toute la vitesse de ses jambes. Pendant que Lucas courut à la ferme, Gaspard alla chercher le médecin. Il était chez lui et il accompagna Gaspard chez le père Thomas, qui était toujours dans le même état. Il le saigna, le sang ne coula pas. Après avoir employé inutilement tous les moyens possibles, pendant 1 heure, le médecin tâta le pouls. Il ne battait plus. Il écouta la respiration qui avait cessé. « Il est mort, » dit-il à l'oreille de Gaspard. Une apoplexie foudroyante l'aura frappé. Gaspard était consterné. C'était la joie des 5 millions qui avaient tué le père Thomas. Lucas se précipita sur le corps de son père et sanglota. La mère poussa des cris lamentables. Après 1 heure de larmes et de sanglots, elle appela la fille de ferme et se mit à arranger convenablement le corps inanimé. Gaspard chercha à consoler Lucas qui pleurait amèrement. « Gaspard, reste près de ma mère, Lucas. Je vais faire prévenir à la mairie qu'on vienne faire l'acte de décès. Je reviendrai. » Lucas serra la main de Gaspard sans répondre. Avant d'aller à la mairie, Gaspard se rendit à l'usine, trouva M. Ferréor dans son cabinet. « Mon père, s'écria-t-il en entrant, mon pauvre père, celui que je tiens de Dieu, vient de mourir. » M. Ferréor, « Mourir, mourir ? Mais on ne t'avait pas dit qu'il fût malade ?» Gaspard, « Il allait bien quand j'y suis entré, mon père. Quelques instants après, il était frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante. » M. Ferréor, « Et à propos de quoi donc ?» Gaspard, « À propos des 5 millions que je tiens de votre généreuse bonté, mon père. Il a été si saisi qu'il n'a pu que répéter 3 fois « 5 millions » et puis il s'est affaissé sur sa chaise et il n'a plus parlé ni bougé. « Monsieur Ferréo, et ton mariage ? Frolichen va croire que nous n'en voulons plus. » Gaspard. Non, mon père. Ce sera, au contraire, une excellente raison pour éviter la noce, pour faire le mariage, sans aucun étalage, n'avoir que les témoins nécessaires pour tout spectateur. Monsieur Ferréor. Mais le grand deuil. Gaspard. Le deuil n'empêche rien du moment que nous ne faisons pas d'invitation et que nous n'y mettons aucun apparent. Ce deuil nous sera même très utile pour ne pas faire là-bas la visite obligée. Et sous prétexte de chagrin et d'affaires urgentes, faire amener la fille le jour du mariage et nous marier à minuit. Monsieur Ferréo. Et le contrat? On le leur portera à signer chez eux. Ils auront une soirée s'ils le veulent, mais nous n'y serons pas. Monsieur Ferréo. Très bien, mon cher enfant. Presse tout cela. Écris à l'Allemand pour lui annoncer ce malheur et tâche de dire un mot aimable pour la fille. Gaspard. Je tâcherai, mon père, mais je la déteste d'avance. Monsieur Ferréo. Déteste tant que tu voudras, mais vis-à-vis d'elle, conserve-les dehors. Gaspard. Je vous obéirai, mon père. Avant d'écrire, il faut que j'aille à la mairie pour faire constater le décès et faire l'acte. Monsieur Ferréo. Envoie-y quelqu'un. Tu ne manques pas de monde pour faire tes commissions. Mon fils doit être obéi et servi comme moi-même. Merci, mon père. Mais je ne ferai rien sans vous consulter. Monsieur Ferréor, bien, mon enfant, donne tes ordres, écris tes lettres et retourne chez ta mère. Est-elle bien affligée? Gaspard, je crois qu'oui, au premier moment. Mais elle a Lucas, et mon père ne la rendait pas heureuse. Il ne la ménageait guère. Je l'ai vue bien des fois frapper ma mère, et bien rudement. Elle sera plus tranquille, seule, avec Lucas. Monsieur Ferréor, tant mieux alors. Et toi, parle franchement. Est-ce un chagrin pour toi? Gaspard, c'est toujours douloureux de perdre un père. Mais le mien ne m'a jamais aimé. Je ne puis donc le regretter très vivement. Je ne l'avouerai à personne qu'à vous, car je n'aime au monde que vous, et je ne dis ce que je pense qu'à vous. Et moi, mon fils, si je venais à mourir, aurais-tu du chagrin? Gaspard, vous, mon cher père, vous, ce serait le malheur de toute ma vie. Et Gaspard, s'inclinant devant Monsieur Ferréor, lui baisa les mains avec émotion. Monsieur Ferréor rayonnait, il le serra dans ses bras, regardant attentivement la belle figure de Gaspard. Monsieur Ferréor, tu dis vrai, mon cher fils, tu m'aimes bien. Tu n'aimes que moi, et tu n'as jamais aimé personne que moi. Et c'est pourquoi je t'aime, et je n'ai jamais aimé personne que toi. Va, mon ami, et que Dieu te bénisse. Chapitre 23. Mariage de Gaspard. Gaspard écrivit à M. Frolichen une lettre très habile, polie, quoique froide, afin de ne pas amener un changement trop subit entre l'impertinence de la veille et le langage convenable d'un futur gendre à un futur beau-père. Il termina par une phrase de politesse pour sa future et par la prière instante de hâter le mariage comme dédommagement de l'absence forcée à laquelle le condamnait la mort de son pauvre père. Il avertit que M. Ferréor et lui seraient prêts dans un mois. Il écrivit ensuite au tapissier et lui recommanda de ne rien ménager et d'y mettre la plus grande promptitude. Tout devait être apporté et posé 3 semaines après la réception de cette lettre. Avant de faire partir sa correspondance, il la fit lire à M. Ferréor qui approuva et lui demanda de l'aider dans ses calculs pour le partage de sa fortune avec lui. Gaspard avança la besogne. Sa promptitude à calculer et à classer facilita beaucoup le travail qu'avait à faire M. Ferréor. Ils firent ensuite un tour dans les ateliers. M. Ferréor voulut accompagner Gaspard dans sa visite à la ferme. Ils y allèrent en voiture pour retourner ensemble à la ville. La mère Thomas était revenue de la première et terrible impression de la mort de son mari. Elle était calme et causait avec Lucas des changements qu'amènerait dans leur existence la mort de son mari. La visite de M. Ferréor les flatta beaucoup. M. Ferréor et Gaspard leur donnèrent de bons avis sur le règlement de l'héritage. « Toi et ma mère, vous êtes seuls héritiers, » dit Gaspard. « Moi, j'abandonne tous mes droits, et j'y ajoute les 140 000 francs que j'ai retirés de la vente des terres de l'héritage d'Annet. Grâce à la générosité de mon père adoptif, cet abandon n'est même pas un sacrifice, et votre aisance en sera augmentée. » La mère remercia et embrassa Gaspard. Lucas en fit autant. On régla ce qui concernait l'enterrement qui devait avoir lieu le surlendemain à 9 heures du matin. M. Ferréor dit qu'il voulait y assister. Après une visite de plus d'une heure, Gaspard et son père adoptif s'en allèrent. Le trajet fut silencieux. M. Ferréor pensa que son tour viendrait bientôt. Il se demanda pour la première fois ce qu'il avait fait pour les autres et s'accusa presque d'égoïsme et de dureté. Ses yeux, cependant, se tournaient avec complaisance vers Gaspard. La pensée de la reconnaissance que lui témoignait son fils adoptif par le sacrifice de son bonheur intérieur lui donnait un sentiment de calme et de bonheur. En voyant toutes les joies et toutes les consolations que procurent une bonne action, il songea au bien qu'il aurait pu faire autour de lui, à toutes les bénédictions qu'il aurait attirées sur sa tête, à la vénération et au respect qu'il aurait pu inspirer. Sa résolution fut prise. Son âme, touchée par la grâce divine, comprit que dans la pratique seule du bien, il devait trouver le bonheur au milieu des richesses. Gaspard songeait à la différence de ses sentiments pour le père qu'il venait de perdre et pour celui qu'il priait Dieu de lui conserver. Du premier, il n'avait eu que des duretés, des réprimandes et des coups. Du second, il n'avait reçu que de l'affection, de la confiance et une position magnifique. De temps à autre, quand ses pensées revenaient plus vives, il serrait machinalement la main de M. Ferréor qu'il avait, sans y penser, prise et gardée dans la sienne. M. Ferréor, d'abord surpris, devina les sentiments qui agitaient son fils, et il se laissa doucement aller au bonheur, nouveau pour lui, d'une affection vraie. Le surlendemain fut encore une journée pénible pour Gaspard, fatigante pour M. Ferréor, et cruelle pour Lucas et pour sa mère. Cette séparation absolue d'un père et d'un mari les impressionna fortement. L'assistance était nombreuse. Tous les ouvriers des usines avaient reçu la permission d'assister à l'enterrement du père de leur jeune maître, et aucun n'y avait manqué. La famille et les amis étaient aussi fort nombreux. Gaspard ramena en voiture sa mère et son frère et passa avec eux une partie de l'après-midi. De retour dans le cabinet de M. Ferréor, il lui trouva le visage fatigué. « Mon père, laissez votre travail, vous êtes fatigué. Permettez-moi de vous ramener chez nous. Nous dînerons, vous vous coucherez et nous causerons de nos affaires, à moins que vous ne préfériez que je vous fasse la lecture. Monsieur Ferréor, j'ai encore affaire, mon ami. Il me faut une heure pour finir mes comptes. Gaspard, je vous les finirai, mon père. Vous avez besoin de repos, de sommeil. Laissez-moi vous soigner. Venez, mon père, venez. » Gaspard entraîna Monsieur Ferréor, moitié de gré, moitié de force. M. Ferréor, tout en opposant quelque résistance, se laissa entraîner avec une satisfaction visible. Il dîna avec appétit, se coucha avec plaisir et s'endormit avec calme, après avoir vu et entendu Gaspard, qui le croyait endormi, s'approcher de son lit, se mettre à genoux, lui baiser doucement les mains et dire à voix basse « Dors, cher et excellent père, dors pendant que je veillerai pour toi. Que Dieu te conserve longtemps et en bonne santé. Que deviendrait mon bonheur si je te perdais? Cette femme détestable que je dois prendre pour assurer ta tranquillité ne sera jamais rien pour moi. Adieu, mon père et mon ami. Repose-toi de tes fatigues. » Gaspard pria quelque temps encore, se releva doucement et quitta la chambre sans faire de bruit. Il travailla dans la sienne une grande partie de la nuit pour terminer les comptes de son père et se coucha accablé de fatigue. Les jours suivants se passèrent vite. Gaspard s'efforça de penser le moins possible à son mariage. M. Frolichen l'avait prévenu qu'il serait prêt et qu'à moins de contre-ordre, il arriverait à la ville de un mois après sa lettre. Il demandait à Gaspard de lui faire retenir un petit appartement pour lui, pour sa fille et pour ses deux témoins, mais pour 2 jours seulement, parce que ses affaires l'obligeaient à revenir chez lui. Gaspard fit part de cette lettre à M. Ferréor, qui donna l'ordre qu'on retînt dans un hôtel l'appartement demandé. Le contrat de mariage fut prêt au jour voulu. Le notaire le porta lui-même à signer à M. et Mlle Frolichen, la veille du mariage. Au retour, M. Ferréor et Gaspard le questionnèrent sur la mariée. Il ne put en rien dire, sinon qu'elle passait pour être bonne et très pieuse. « Tant mieux, » dit Gaspard. « Elle s'amusera à faire la charité, à aller voir des pauvres, à visiter des églises, et elle ne nous gênera pas. » « Du reste, » ajouta le notaire, « on ne lui laisse voir personne. » Les gens de la maison ne la voient même jamais, elle vit seule, avec une bonne qui l'a élevée. Elle ne sort que pour aller à l'église, chez les pauvres et chez les sœurs de charité. L'appartement était prêt et charmant. Le tapissier n'avait rien oublié. Il se composait d'une pièce d'entrée formant antichambre, d'un salon, de 2 chambres à coucher avec dégagement, cabinet de toilette, avec armoire, etc. Et au bout de l'appartement, une chambre de femme de chambre avec lingerie et escalier de service. Le jour du mariage, M. Frolichen et sa fille arrivèrent après dîner seulement. Un de leurs témoins vint prévenir M. Ferréor et Gaspard qu'ils se rendraient directement à la mairie, ensuite à l'église, et qu'on n'eût pas à s'inquiéter d'eux, qu'on ne se dérangeât pas pour venir les voir, parce que Mlle Mina serait à sa toilette et ne recevrait pas. Cet avertissement ne fut pas perdu pour M. Ferréor. Gaspard envoya demander à quelle heure Mademoiselle voulait avoir sa voiture, qu'on devait être à la mairie à 11h30. « À l'heure qu'on voudra, » fit-elle répondre. Dans la soirée, elle fit demander à M. Ferréor s'il voulait bien permettre à sa bonne, qui lui servait de femme de chambre, de porter ses effets dans l'appartement qu'elle devait occuper. « Rien de plus juste, » répondit M. Ferréor. « C'est bien ce qu'elle a fait là, Gaspard. C'est poli, convenable, respectueux. »« Oui, elle a bien fait, » répondit Gaspard froidement. À 11h15, Gaspard envoya à sa future la voiture qui devait être la sienne. Lui et M. Ferréor se rendirent dans la leur à la mairie. « Gaspard, votre voiture continuera à être la mienne, mon père. L'autre sera pour ma femme. Mon père, que c'est dur de devoir dire « ma femme » et d'avoir cette étrangère pour toujours entière entre nous, à tous nos repas. « M. Ferréor, elle ne sera pas bien incommode, je pense. Et en tout cas, si elle est exigeante, ennuyeuse, tu la mettras à la raison. « Gaspard, c'est égal. » C'est fort ennuyeux d'avoir des femmes qui se mêleront de tout, qui voudront dominer dans la maison, qui ennuieront votre vieille femme de charge, Madame Bonjean. Monsieur Ferréor, non, non, mon enfant, tu vois trop en noir. Cet enfant ne doit pas avoir de volonté. Pense donc qu'elle a 16 ans à peine. Tu lui donneras les habitudes que tu voudras. Gaspard, et la bonne, ces femmes qui ont élevé leur maîtresse sont insupportables. Monsieur Ferréor, si elle t'ennuie trop, tu la feras partir. Gaspard, nous voici arrivés. Nous en recoserons. Gaspard aida son père à descendre. À peine leur voiture s'était-elle éloignée que celle de la mariée arriva. M. Ferréor et Gaspard furent obligés d'attendre M. Frolichen et sa fille. Gaspard salua le père, qui descendit le premier, et présenta la main à la fille pour l'aider à descendre. Elle était enveloppée d'un voile. Il ne vit rien qu'un petit pied bien chaussé et une petite main qu'il sentit trembler dans la sienne. Le père lui donna le bras. Lorsqu'il la fit entrer dans la mairie et que Gaspard put la voir, il recula, stupéfait. Il avait devant lui la plus jolie et la plus gracieuse figure qu'il fût possible d'imaginer. Taille au-dessus de la moyenne, tournure charmante, élégante et distinguée, tête ravissante, cheveux abondants, blond cendré, visage ovale, très fins et réguliers, grands yeux bleus, doux, intelligents, et qui devaient être riants quand ils n'étaient pas, comme à ce moment, rougis par des larmes récentes. La finesse de la peau, la blancheur et la fraîcheur du teint complétaient la beauté remarquable de Mina. Elle quitta le bras de son père, s'approcha de M. Ferréor, s'inclina devant lui et voulut lui baiser la main, mais la beauté de cette future belle-fille, son air triste et candide, l'humilité de son action, touchèrent M. Ferréor. Il retira sa main et embrassa Mina sur ses deux joues fraîches et roses. « Merci, mon père, » dit Mina à voix basse. « Ayez pitié de moi et pardonnez-moi d'entrer de force dans votre famille. » M. Ferréor l'embrassa une seconde fois. Gaspard ne pouvait revenir de son étonnement. Cette femme qu'il avait représentée laide, commune, décidée comme un gendarme, se trouvait être une toute jeune fille de 16 ans, jolie, belle, gracieuse, modeste, craintive. Elle devait être intelligente, d'après l'apparence de sa physionomie. La surprise de Gaspard fut si évidente que M. Ferréor ne put s'empêcher de sourire. Le maire était arrivé, il était en place, il attendait. Gaspard s'avança pour se mettre à côté de Mina. Quand le maire demanda à Gaspard s'il consentait à prendre pour épouse Mademoiselle Mina Frolichen, il répondit oui d'une voix mal assurée. Et quand Mina dut donner aussi son consentement, les larmes lui coupèrent la parole. Elle fut quelques instants avant de se remettre et pouvoir prononcer le oui qui devait l'enchaîner pour la vie, du moins d'après la loi, à un homme qu'elle ne connaissait pas, qui lui avait témoigné une indifférence et même une répugnance marquée, duquel elle ne pouvait espérer la moindre affection ni le moindre bonheur, et qui, en ce jour même de leur union, n'avait témoigné aucun désir de la voir, de lui parler. Elle dit oui, pourtant, car la terreur que lui inspirait son père ne lui permettait pas de reculer. Quand la cérémonie fut achevée, Mina se retira sans même lever les yeux sur Gaspard, mais après avoir salué M. Ferréor. Personne ne parlait. M. Ferréor et Gaspard remontèrent dans leur voiture pour aller à l'église et y recevoir la mariée. « Elle est charmante, » dit M. Ferréor. « Charmante, » répondit Gaspard. « Je ne reviens pas de ma surprise. » M. Ferréor, « Et quelle voix douce et suppliante quand elle m'a demandé d'avoir pitié d'elle. » Gaspard, « Elle vous a demandé d'avoir pitié d'elle ? Quand donc ?» M. Ferréor, « Quand je l'ai embrassée, pauvre petite, elle a un air craintif qui annonce qu'elle n'est pas heureuse. Quel dommage qu'une si charmante créature soit vouée au malheur. » Gaspard ne répondit pas. Sa conscience commençait à s'agiter. Lui aussi avait pitié d'elle. Le sentiment de dévouement et de reconnaissance qui l'avait fait consentir à accepter ce mariage pour assurer la tranquillité de son père en assurant l'avenir de l'usine l'avait un instant égaré. Il n'avait pas songé à la triste existence qu'il préparait à cette pauvre jeune fille, sacrifiée par un père injuste, brutal, dont lui, Gaspard, devenait ainsi le complice. Cette pensée l'effrayait. Il se reprochait déjà les procédés qu'il avait eus à son égard, et il songeait à réformer sa conduite et à réparer ses torts suivant les événements. Le mariage, la messe, la signature de l'acte durèrent à peine trois quarts d'heure. M. Ferréor fit monter Mina dans sa voiture avec lui-même et Gaspard. Mina pleurait toujours, le trajet ne fut pas long. M. Ferréor mena Mina dans l'appartement qui lui était destiné. Sa bonne l'y attendait. « M. Ferréor, vous voici chez vous, ma fille. J'espère que vous vous y trouverez bien. » Mina, « Merci de votre bonté, mon père. Je suis sûre de m'y trouver bien puisque je serai près de vous. » En finissant ces mots, Mina fondit en larmes. « Monsieur Ferréor, pourquoi pleurez-vous, ma fille? Chacun ici s'efforcera de vous rendre la vie douce et heureuse. » « Mina, il n'y a pas de bonheur pour moi en ce monde. L'avenir sera comme le passé. Mais, mon père, accordez-moi une grâce. Ne me séparez pas de ma bonne, ma pauvre bonne qui m'a élevée, le seul être qui m'aime et qui me console. Monsieur Ferréor, ma pauvre enfant, personne ne vous enlèvera votre bonne. Vous êtes seule maîtresse en tout ce qui vous concerne. Soyez sans inquiétude. Et reposez-vous de vos fatigues. Adieu, ma fille. N'oubliez pas que vous êtes ici chez vous et que tout y est à votre disposition. » M. Ferréor sortit. Gaspard l'attendait chez lui. « Eh bien, mon père, la bonne impression première a-t-elle duré ?» M. Ferréor, « Non seulement duré, mais augmenté. Cette pauvre petite fait pitié. Je t'assure qu'elle m'a attendri. » M. Ferréor raconta à Gaspard le peu de mots qui s'étaient échangés entre eux. Tu vois qu'elle doit avoir été très malheureuse et que son père la traitait fort mal. Tu devrais y aller un instant, Gaspard. Elle ne connaît seulement pas ta voix. Gaspard, mais mon père, je n'ai rien à lui dire. Je ne peux pas entrer chez elle sans motif. Monsieur Ferréor, va lui demander si elle ne veut pas prendre quelque chose avant de se coucher. Ce sera convenable. Gaspard obéit avec répugnance et frappa à la porte. Entrez, répondit une voix douce et fraîche. Gaspard ouvrit la porte, entra et resta embarrassé et immobile. Mina, en le voyant, poussa un cri et resta de son côté tremblante et silencieuse. La bonne était là. Gaspard, mademoiselle, madame, je viens vous demander. L'embarras de Gaspard avait donné du courage à Mina. Elle leva les yeux sur lui et ne put s'empêcher de sourire de son air gauche et empêtré. Gaspard leva les yeux de son côté et sourit aussi de la figure qu'il devait faire. « Mademoiselle, reprit-il de sa voix ordinaire, je viens vous demander si vous ne désirez pas prendre quelque chose avant de vous coucher. » Mina hésita à répondre et regarda sa bonne. « La bonne, ma pauvre petite n'ose pas vous dire, monsieur, qu'elle a faim. Elle n'a pas dîné. Elle n'a fait que pleurer depuis qu'elle est arrivée. » « Mina, ma bonne, pourquoi dis-tu cela ? » « Gaspard, je suis donc bien effrayant, mademoiselle. » « Mina, « non, monsieur, mais je ne vous connais pas. »« Gaspard, je vais donner des ordres pour que vous soyez servie, mademoiselle. » »« Mina, merci, monsieur, vous êtes bien bon. » Gaspard sortit, donna des ordres et rentra chez son père, qui était couché mais qui ne dormait pas encore. Gaspard lui raconta le peu de mots qu'il s'était dit. M. Ferréor ne répondit pas et dit bonsoir à Gaspard qui se retira. Gaspard rentra chez lui, pensif et mal à l'aise. Ses sentiments de pitié pour Mina et de regret de sa propre conduite le dominaient de plus en plus. Il se sentait plus touché de la douceur et de la réserve de la pauvre Mina à mesure qu'il découvrait l'injustice des préventions qu'il avait eues contre elle. « Je crains d'avoir été dur, grossier même, pour cette pauvre petite. Il me paraît évident que son père l'a forcée à m'épouser, qu'elle n'en avait aucune envie. Il est certain qu'elle était malheureuse chez elle, d'après du moins ce qu'elle a dit à mon père. La pauvre enfant semblait terrifiée. Je lui fais peur, et elle doit avoir peur, d'après ma conduite à son égard. Si elle avait été ce que je croyais, la doublure de son gueux de père, ce serait bien. Mais une si charmante enfant ne devait pas s'attendre à être traitée avec cette froideur, cette grossièreté même. Que faire maintenant ? Je consulterai mon père demain. » Chapitre 24. Mina fait de plus en plus pitié à Gaspard. Le lendemain, de bonne heure, Gaspard entr'ouvrit doucement la porte de son père et vit qu'il était éveillé. « Monsieur Ferréor, te voilà déjà, mon ami. As-tu quelque chose de particulier à me dire pour t'être levé de si bon matin ?» Gaspard. « Oui, mon père, quelque chose de très particulier. C'est au sujet de Mina. »« Ah ah !» dit Monsieur Ferréor en souriant. « Qu'y a-t-il de nouveau ?» Gaspard. « Il y a mon père que je ne sais quelle conduite tenir après la grossière indifférence dont je me suis rendu coupable envers cette pauvre petite. Monsieur Ferréor, ma foi, mon ami, j'ai partagé ta faute. Je partage ton repentir et je suis très décidé à être fort aimable pour elle. Fais de même. » Gaspard. « C'est que je ne me suis pas vis-à-vis d'elle dans la même position que vous, mon père. Elle a l'air de me craindre et beaucoup, tandis que vous, elle a l'air de vous aimer et d'avoir confiance en vous. »« Tu crois ?» dit Monsieur Ferréor avec une satisfaction visible. « Gaspard, j'en suis sûr, mon père, et voilà mon embarras. Elle est si différente de ce que nous redoutions qu'il m'est impossible de la traiter comme nous le projetions avant de la connaître. » « Monsieur Ferréor, tu as parfaitement raison, mon enfant. » Il faut que tu la traites comme une charmante et aimable femme. Gaspard, je ne pourrai jamais. Moi aussi, j'ai peur d'elle. Monsieur Ferréor, peur de quoi donc, mon ami ? Elle a l'air si doux. Gaspard, je ne sais pas pourquoi, mon père, mais elle me fait peur. Monsieur Ferréor, souriant, ça passera, va. Sois poli et aimable pour elle. Va tous les matins savoir de ses nouvelles, cause avec elle, demande-lui son amitié et sa confiance, et tout cela s'arrangera. Gaspard. Elle se lève sans doute très tard. Nous aurons le temps de faire un tour à l'usine avant qu'elle ne soit prête pour déjeuner. Nous n'y avons pas été hier. Monsieur Ferréor, tu as raison. Donne des ordres pour la voiture et fais-lui demander ce qu'elle veut pour son premier déjeuner. Gaspard fit sa toilette. Il était 7 heures quand il alla exécuter les ordres de son père. En ouvrant la porte de sa chambre, qui donnait sur l'escalier du vestibule, il vit Mina qui descendait lestement. Elle s'arrêta dans le vestibule. Elle avait son châle et son chapeau. « Ma bonne, viens-tu » dit-elle en se retournant. En place de sa bonne, elle aperçut Gaspard qui descendait aussi et resta interdite. Quand Gaspard la rejoignit, elle était rouge comme une cerise, immobile, les yeux baissés. « Où allez-vous si matin, madame ?» dit Gaspard en la saluant. « Mina, à la messe, monsieur, j'y vais tous les jours. »« Gaspard, savez-vous où est l'église, madame ?» Mina, « Non, monsieur. » Mais, aidée de ma bonne, je la trouverai. Gaspard, voulez-vous me permettre de vous épargner la peine de chercher, madame, et de vous offrir mon bras ? Mina, je veux bien, monsieur. Gaspard prit son chapeau et s'approcha de Mina, qui, effrayée et tremblante, passa son bras dans celui que lui offrit Gaspard. Elle tremblait si fort que Gaspard en eut pitié. Gaspard, remettez-vous, madame. Pourquoi trembler ainsi ? Croyez-vous que je veuille vous rendre malheureuse ? Mina. « Je ne sais pas, monsieur. J'espère que non. »« Gaspard, voyons, madame, regardez-moi, et dites si j'ai l'air bien méchant. » Mina la regarda, mais sans voir, car les larmes troublaient sa vue. « Je ne vois pas, » dit-elle, en souriant à demi. « Gaspard, pourquoi donc ?»« Mina, parce que je pleure. » « Gaspard, c'est ce qui me désole, ma pauvre enfant. C'est ce qui m'a tenu éveillée toute la nuit, de vous voir terrifiée devant moi comme si j'étais un monstre, un scélérat. » Mina, je n'ai pas beaucoup dormi non plus, j'avais si peur. Gaspard, peur de qui, de quoi ? Mina, de tout le monde, et de vous surtout. Gaspard, souriant, pourquoi cette préférence, madame ? Mina, parce que mon père m'a dit, monsieur, pourquoi vous consentiez à m'épouser ? Il m'a fait lire vos lettres, il m'a dit que vous ne vouliez pas me voir. Tout cela n'était pas rassurant, vous en conviendrez. Gaspard, vivement. Mais c'est une abomination à votre père. Je ne vous connaissais pas. Il me disait que vous étiez son portrait en femme. Vous jugez si c'était tentant. Gaspard sourit. Mina rit franchement. Gaspard, et puis, si vous saviez comment la chose s'est faite, je vous le raconterai quand nous aurons plus de temps. Et je vous croyais une grosse rousse, maussade, etc. Jugez de ma surprise quand je vous ai vue. Mina, m'avez-vous trouvé à votre gré? Gaspard, je serais bien difficile si je vous avais trouvé autrement. Mina, et votre père? Gaspard, charmante et très disposée à vous aimer comme sa fille. Mina, merci, monsieur, de ces bonnes paroles. Notre petite promenade est la première douceur que j'ai goûtée depuis que j'ai été forcée de consentir à vous imposer ma présence. Pour toujours, hélas. Mais pardonnez-moi, monsieur, je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai si peur de mon père. Il m'a menacé de choses si terribles si je résistais. Je tiendrai le moins de place possible dans votre maison. Je ne demanderai jamais rien. Je vivrai avec ma bonne. Vous ne me verrez que lorsque vous le voudrez. Gaspard l'écoutait avec une douloureuse surprise. Il allait répondre, mais ils étaient arrivés à la porte de l'église. Alors seulement Mina s'aperçut qu'elle était seule. Mina, ah, j'ai oublié d'attendre ma bonne, et je n'ai pas fait attention au chemin que j'avais suivi. Gaspard regarda à sa montre. Il avait encore une heure devant lui avant de rentrer pour accompagner M. Ferréor aux usines. Mina ne pouvait être laissée seule dans une ville qui lui était inconnue. Il se décida à rester avec elle pour la ramener à la maison. Gaspard, je resterai près de vous, madame, et je vous ramènerai moi-même. Mina le regarda avec étonnement et lui sourit en disant « Merci, monsieur ». Gaspard la fit entrer dans le banc de M. Ferréor et se plaça près d'elle. La messe allait commencer. Mina l'écouta tout entière à genoux et Gaspard vit avec peine qu'elle avait pleuré tout le temps. Quand elle se releva, son visage était gonflé par les larmes qu'elle avait répandues. Elle n'osa lever les yeux sur Gaspard, elle accepta son bras et ils reprirent le chemin de l'hôtel Ferréor. « Mina, lui dit Gaspard. Mina tressaillit. Vous m'avez attristée par votre trop humble résignation. Vous êtes chez vous en étant chez mon père. Votre présence nous sera toujours agréable. Et entre nous deux, si quelqu'un a à pardonner, ce n'est pas à moi, c'est vous. C'est donc à vous que je demande pardon du fond du cœur de vous avoir témoigné tant de froideur et d'indifférence. À l'avenir, vous n'aurez à vous plaindre ni de mon père ni de moi, et je vous donne pleine autorité pour faire exécuter toutes vos volontés. Tous mes gens sont les vôtres, chevaux et voitures également. Merci, monsieur, dit Mina. J'espère ne pas abuser de l'autorité que vous voulez bien me donner. Je n'ai pas l'habitude de me faire servir. » Ils ne dirent plus rien jusqu'au retour à l'hôtel. Ils se séparèrent au haut de l'escalier. Gaspard lui serra la main en la quittant. « À revoir, au déjeuner, Mina. À revoir, Gaspard, » répondit-elle à mi-voix, et elle se sauva dans sa chambre. Gaspard courut plus qu'il ne marcha vers la chambre de son père et lui raconta comment il avait passé sa matinée. Il n'omit rien. Ni une parole, ni un geste, ni un sourire. M. Ferréor parut content et lui serra les mains. « C'est bien, mon fils, tu as bien commencé, et d'ici à peu de jours, vous n'aurez plus peur l'un de l'autre. Tu as bien fait de l'appeler par son nom. Un mari et une femme ne peuvent s'appeler monsieur et madame, c'est ridicule. » Ils allèrent faire leur visite aux usines et revinrent à 11 heures pour déjeuner. Gaspard, suivant le conseil de son père, alla lui-même chercher Mina. « Mina ?» dit-il en frappant à la porte et en l'entr'ouvrant. « Entrez, Gaspard, » répondit timidement Mina. « Gaspard, merci, ma bonne Mina, de m'avoir appelé Gaspard. » « Mina, et merci, Gaspard, de m'avoir appelé Mina. » « Gaspard, je viens vous chercher pour déjeuner. Notre père nous attend. » « Mina, vite, descendons. » Et, courant devant Gaspard, elle sauta légèrement de marche en marche et se trouva dans le vestibule. « Mina, par où faut-il aller, Gaspard ?» Gaspard, la porte à droite, mais laissez-moi vous donner le bras, Mina. Et Gaspard, prenant le bras de Mina, le passa sous le sien. Ils entrèrent ainsi dans la salle à manger où les attendait M. Ferréor. Il s'avança vers Mina et la baisant au front. « Bonjour, ma fille, » dit-il. « Qu'est-ce que je vois? Vos jolis yeux tout rouges? Ah, Mina, ce n'est pas bien. Vous êtes donc bien malheureuse avec nous, mon enfant. » « Pas aujourd'hui, mon père, » répondit-elle en l'embrassant à 2 ou 3 reprises. « Gaspard a été bien bon pour moi. Il a eu la bonté de me montrer le chemin de l'église. Et puis, il m'a appelé Mina, ce qui m'a fait bien plaisir. Monsieur Ferréor, et avez-vous encore peur de nous, Mina ? De vous, pas du tout, mon père, dit Mina, en lui baisant la main. De Gaspard encore un peu, ajouta-t-elle en le regardant avec un gracieux sourire. Monsieur Ferréor, bon, il y a du progrès depuis hier. Mettons-nous à table, mes enfants. Gaspard et moi, nous avons bien à travailler et nous n'avons pas beaucoup de temps à donner au plaisir. Le déjeuner fini, Mina retourna chez elle et Gaspard accompagna Monsieur Ferréor aux usines. Quand ils furent de retour, Gaspard alla prévenir Mina que le dîner était servi. Elle le remercia et accepta son bras sans trembler. Elle commençait à s'habituer à sa nouvelle position. Le soir, Mina se retirait dans sa chambre avec sa bonne, pendant que Gaspard achevait avec Monsieur Ferréor le travail du matin. Il parlait souvent de Mina et du charme qu'elle répandait autour d'eux. « C'est extraordinaire, dit Gaspard, combien la présence de cette charmante enfant m'attendrit et influe sur mon caractère. Mon affection pour vous, mon père, prend aussi quelque chose de plus doux. À mesure que je m'attache à elle, je sens plus profondément ce que vous avez fait pour moi. » « Il est certain, répondit M. Ferréor, qu'elle semble devoir nous changer complètement. Comme toi, je me sens meilleur près d'elle. » Mina, de son côté, se trouvait heureuse. Elle sortait dans le jour avec sa bonne. Elle lisait, travaillait. Elle attendait avec impatience le retour de M. Ferréor et de Gaspard. Quelques jours après son mariage, Gaspard dit à M. Ferréor en sortant de table, « Mon père, ne pensez-vous pas qu'il soit convenable que je présente Mina à ma mère ?»« M. Ferréor, oui, mon fils, c'est même nécessaire. Il faut que tu l'y mènes aujourd'hui. » « Gaspard, c'est ce que je pensais, mon père. Le voulez-vous, Mina ? Ma pauvre mère et Lucas seront fort heureux de vous voir. »« Mina, je veux tout ce que vous voulez, Gaspard. » »« Gaspard, alors nous accompagnerons mon père aux usines, et quand vous aurez tout vu, je vous mènerai chez ma mère. Vous faudra-t-il ma voiture ?» Mina, est-ce bien loin ? Gaspard, un quart de lieue. Mina, je fais sans me fatiguer 2 ou 3 lieues. Gaspard, en ce cas, nous irons à pied. Mina, j'aime mieux marcher qu'aller en voiture.